Alors, ce général nigérien qui accuse le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, de faire, je cite, la guerre à coup de communiqués mensongers. C'est une citation. Comment est-ce que vous comprenez cela lorsque vous passez tout votre temps à suivre ce qui se passe sur le terrain au Mali et au Burkina et même aussi dans tout le Sahel? D'abord, au niveau de la forme, il manque de sens de l'honneur. Un soldat ne parle pas comme ça à d'autres soldats. D'abord, c'est un principe. Il manque de l'honneur. Il est léger. Mais pourquoi il fait ça? Il manque d'honneur. Il est léger. Ce que vous dites. Vous savez qu'on a limogé l'ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne. Ouais. Parce qu'il a fait une visite au Mali. Ça, c'est récent, là. Vous jouez là, récemment, là. Au Mali. Et cette visite augurait d'évolution heureuse dans le combat contre le terrorisme et les parrains extérieurs du terrorisme. La France, l'Union européenne, les États-Unis, l'Angleterre, bref, la communauté internationale autoproclamée de prédateurs et de bandits. C'est ce qu'on fait quand on est un soldat. Il a été limogé pour les besoins de la cause, on sait. Parce que monsieur, il n'a même pas un satrape, je ne sais pas comment il faut appeler ce monsieur-là, je ne sais pas comment l'appeler. Celui qui se fait appeler président au Niger a reçu l'ordre de son vrai patron de virer ce chef d'état-major. Il a été viré improprement. Et ce chef d'état-major représentait au sein de l'armée nigérienne le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Parce qu'il était il incarnait, il représentait les troupes du Niger qui, mon cher Abaka, comprennent que c'est déshonorant, très très déshonorant, le fait que le Niger soit aujourd'hui, comment on appelle ça? La base arrière. Il faut trouver un autre mot. Soit aujourd'hui l'arrière-cour de l'impérialisme occidental dans ses formes nouvelles, ses formes actuelles, pour détruire l'Afrique et le coloniser. Ce général comprend que c'est déshonorant. Et il a incarné, n'est-ce pas, les dynamiques populaires au Niger qui demandent le départ de Barkhane, qui refusent la présence française au Niger et la présence de bases militaires étrangères au Niger. Donc vous avez un soi-disant général qui a perdu tout sens de l'honneur militaire, qui accuse des compagnons d'armes, des frères d'armes, parce que c'est ce qu'ils sont, que ce soit Assimi Goïta, c'est un colonel, que ce soit Cédric Burkina Faso, ce sont des frères d'armes. Un capitaine. Voilà, ils ont le métier, ils ont pour métier le port des armes. Il les accuse de faire une guerre à coup de communiqué. Il est impossible de faire une guerre à coup de communiqué. Pour la seule raison que la guerre, si vous faites la guerre à coup de communiqué, on vous écrase. Si vous faites la guerre à coup de communiqué et qu'en face de vous, quelqu'un fait la guerre réelle, il vous écrase. Si c'était le cas, on ne parlerait plus du régime de transition au Mali. Nous ne pensons pas des choses élémentaires. Si le régime de transition est encore au pouvoir, c'est qu'il ne fait pas la guerre. Il ne fait pas la guerre à coup de communiqué mensonger. Il fait la guerre réelle. Et il communique comme tous les armées communiquent sur un champ de guerre. Donc d'abord, sur l'accusation est mensongère. Sur la forme et sur le fond. Cette accusation est mensongère sur la forme, il est irrecevable sur le fond. Parce que s'il est mensongère sur la forme, il fausse accusation parce qu'on ne fait pas la guerre par communiquer. Sinon, on n'est pas en guerre. Pour faire la guerre par communiquer, par les communautés mensongères, n'est-ce pas, il faut dans une chambre et déclarer qu'on est en guerre, en fait, contre personne. Si je fais la guerre contre, si je suis en guerre contre vous, que pendant que vous avez les armes, moi je les communique de presse, je disparais à la seconde. Vous allez me tuer. Donc, vous voyez que sur le plan militaire, c'est une incongruité de parler comme ça. Ça veut dire qu'il est léger. Donc, deux, on lui fait dire ce qui n'est pas vrai. C'est un faux général. Vous le dites, c'est un faux général. Je ne dis pas, je démonte. Je démonte. C'est un faux général. Alors, cette surenchère verbale, masque une honte militaire. La honte militaire, c'est quoi? C'est que le Niger est devenu l'arrière-cour des entreprises impérialistes de déstabilisation de tout le Sahel. C'est honteux. Deuxièmement, il masque le fait qu'il a pour chef militaire un mercenaire étranger imposé à la tête du pays par le couple Macron-Le Drian. C'est la honte. Il est donc jaloux de frères d'armes qui sont dignes et fiers et qui posent des actions au jour le jour qui démontrent que au moins ont la volonté de faire ce qu'un militaire fait, défendre la patrie. L'honneur d'un militaire, défendre la patrie, pas d'être sous-traitant de forces étrangères. La coopération entre le Mali et la Russie n'est pas une coopération de sous-traitance mercenariale. C'est une alliance qui vise à démanteler les sanctuaires terroristes au Mali et à rétablir la souveraineté du Niger, pardon, du Mali. Au Burkina Faso, il est indécent de parler comme ça d'un pays qui est dans la situation de Burkina Faso. C'est très indécent. Et manquer du respect militaire, je parle français, militaire, à un confrère d'armes qui est en train de se battre pour sortir son pays du trou et qui a mobilisé une armée de volontaires pour protéger le pays avec des résultats très encourageants. Donc, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, vous avez affaire à un faux général, c'est un faux général qui, on se pose la question de savoir où il a reçu son éducation militaire, où est-ce qu'il a fait sa formation militaire, parce qu'il y a un militaire qui se respecte. Même quand tu es en guerre, même quand tu es en guerre contre tes frères d'armes de guerre, il y a quand même de l'honneur militaire qui veut qu'on franchisse par certains lieux. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, manifestement, on a là devant une fuite en avant qui consiste à vouloir vanter une démarche qui n'a rien de militaire, qui n'a aucun sens d'honneur. Parce que le Niger est devenu aujourd'hui une sous-traitante, un État sous-traitant des projets de recolonisation et de déstabilisation de toute l'Afrique. C'est une honte. Bazoum, c'est un personnage honteux. C'est honte à l'Afrique. Il n'y a aucun honneur qu'il défend. Il n'est pas nigérien. Plus grave, il aurait dû mériter de la confiance des Nigériens, entre guillemets, en se battant au moins pour ce pays. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est gardé par Barkhane. Voilà un État qui est incapable d'assurer sa sécurité et qui est supposé d'être une base arrière militaire. Une base arrière militaire de la communauté internationale. C'est du Ouattara, ça. C'est honteux, du Ouattara. C'est honteux, mon cher. Donc c'est ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'on interprète ça comment? Si la forme, c'est un charabia, mais tu as raison de dire que c'est du charabia. Deuxièmement, c'est un coup de gueule comme ça, insensé. Il n'a pas réfléchi pour parler. Il n'est pas le ministre des Affaires étrangères du Niger continuer à débiter des bêtises. C'est encore un ministre des Affaires étrangères. Bon, ça va. Mais un militaire ne parle pas comme ça. Un militaire, lui, n'a pas dit ça. Par rapport à ce que j'appelle des frères d'armes. Des frères d'armes. La situation au Mali aujourd'hui n'a rien à voir avec la situation avant l'arrivée au pouvoir de M. Assimi Goïta. Vous avez une armée aujourd'hui qui est bien équipée. Et c'est parce qu'elle est bien équipée qui fait trembler tout la sous région, qui fait trembler le Niger. Parce que si le Mali sanctuarise son territoire, mais où iront les terroristes? Ils vont aller chez eux au Niger, c'est leur pays. Parce que le président nigérien lui-même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un sous-traitant de Paris dans la protection des terroristes. Il offre un sanctuaire au terrorisme. Mon cher Sidik, Abakar Sidik, dans le monde actuel aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore un débat sur qui est le parrain du terrorisme, qui protège le terrorisme, qui le finance? Le débat est clos. Il n'y a que Paris qui parle aux Africains. Même le service secret, il y a des fuites où ils admettent que non. Mais nous-mêmes, c'est nous qui avons derrière cette affaire. Vous connaissez Eugène Faure? Vous avez appris ça, non? Eugène Faure. C'est le Wagner européen. Vous savez ça, non? Wagner européen. Vous savez à quoi sert le Wagner européen? Justement, encadrer, former, protéger les terroristes. Héros Genefort fait des missions en Afrique et au Sahel. Pour faire quoi? Pour encadrer, former les terroristes. Parce que c'est une milice. Mais pendant ce temps, on a fait de Wagner un problème mondial. On a fait de Wagner une question de relations internationales. Que Wagner, c'est le danger mondial. Mais pendant ce temps, ceux qui parlent de Wagner ont leur Wagner. Bon, ils ont plusieurs Wagner, hein, mais pour ce que eux, je ne fais, qui est une organisation militaire, c'est une milice. Mais monsieur, financé par l'Union européenne, à partir des cotisations nationales. Les Européens ne sont pas au courant de l'existence de Genefort. Ils ne sont pas au courant. C'est une milice européenne. C'est une milice européenne, Genefort. Mais vous donnez le sens, c'est Wagner. Parce que vous ne respectez pas, vous ne considérez pas. Donc, venez aujourd'hui parler aux Africains. Expliquez aux Africains le terrorisme par le trafic, par le grand banditisme, par le fait que l'État malien aurait déserté, n'est-ce pas, certaines régions du pays. Et du coup, les trafics, n'est-ce pas, se sont multipliés. Et en faisant des trafics, en vendant du Marlboro, le trafic d'or, et en attrapant quelques temps dans les otages, on se lance le terrorisme. Monsieur Malik, monsieur Sidik, Obakar Sidik, c'est une insulte à l'égard des Africains. C'est ce que Paris dit, mais dans le monde entier, le débat est clos sur la question. On connaît ce que c'est le tourisme, on connaît qui est derrière, on connaît qui finance, et dans quel cas le géopolitique, et quelle est la fonction géopolitique de ce qu'on appelle lutte, de ce qu'on appelle terroriste, comme étant menace globale. C'est comme ça qu'on a fabriqué la pandémie, et en fait une menace globale, contre laquelle il faut sauver tout le monde entier, rapidement. Pas de mesures barrières, des conseils de défense ont surgi partout. Vous voulez pas la COVID, hein? Bien sûr. Okay. Les conseils de défense ont surgi partout. À l'époque, quand nous, on a pris le devant pour dénoncer le Covid comme étant une planification stratégique et géomilitaire, que tu nous as dit que nous sommes des complotistes. Vous avez oublié ? On est où aujourd'hui ? On est où aujourd'hui ? Mais quand vous êtes des impérialistes, quand vous êtes des mondialistes, ça dit que vous êtes mentalement déréglé. Parce que même quand vous mentez, ça ne marche pas. Tout le monde le voit. Mais vous continuez quand même à mentir. Vous mentez. Parce que bon, vous-même, votre fond, c'est le mensonge. Vous ne pouvez pas dire la vérité parce que votre fond, c'est le mensonge. Donc, vous mentez. On vous attrape en flagrant délit de mensonge. Mais vous mentez davantage. C'est-à-dire que quand vous prenez en flagrant délit de mensonge, vous montez d'un cran encore dans le mensonge. Parce que il n'y a pas de communication possible entre vous et celui qui est en face de vous. Parce que pourquoi vous mentez? Parce que vous voulez amener vos interlocuteurs à accepter comme étant normal le fait de piller ses richesses, le fait de nier son humanité, le fait de dire que ce n'est pas un État, ça. Vous êtes dans des projets géopolitiques, géostratégiques, d'une vulgarité banale que tout le monde connaît, mais vous voulez donner à ça des vertus géopolitiques et civilisateurs qu'on n'a pas encore vu. Et ce que vous appelez général, là, de pacotille, comme ce faux général, là, ce qu'il raconte là, vous voulez qu'on le calesse en quoi? C'est un voyou. Vous n'avez pas du mot? C'est un voyou, c'est général. Il raconte n'importe quoi à tout point de vue. Parce que le Niger est la honte de l'Afrique, monsieur Obakar Sidik. Vous savez, monsieur Mamadou, il se fout qu'il est parti. A voulu, il y a eu un débat ici entre nous, et monsieur Mamadou, il faut que oui, les panafricanistes veulent les amener à rompre des partenariats. Ils assument partenariat militaire, machin et consort. Mais ça fait rire. Toi, tu n'arrives même pas à sécuriser ton uranium et tes matières premières. Le monde entier voit qu'on t'arrache ça. On voit. Les Chinois voient, les Russes voient. Tout le monde voit que non, tu as l'uranium, on t'arrache ça. Et qu'au lieu d'éclairer ton pays, c'est éclairer la France. Et qu'en plus de ça, la France prend ça et vend ça sur le marché. À un prix, et se fait des bénéfices sur ton nez. Tu es lâche. Tu es un faux président. Tu n'es pas en mesure de faire l'intérêt de ton pays. Tu masques ça derrière des grandes phrases, derrière des gandouras blancs, où tu t'assois, tu dis que non, hein, ce sont les partenariats qu'on a diversifiés. Ça, c'était Issoufou. Et il a voulu entrer dans l'histoire comme étant un président démocrate qui a fait deux mandats, il est parti. Pour laisser le pays à Bazoum et à son fils, qui se prépare pour remplacer Bazoum. Le fils de monsieur Issoufou. Mais c'est du brigandage, ça. C'est de la fémanie, ça dit que c'est voilà les manœuvres. Qui masque quoi? L'incapacité à faire ce qu'on fait au Mali. Une révolution qui vise à acquérir de la souveraineté, à donner un contenu à la souveraineté. Mais si l'État ne fait pas ça, il fait quoi alors? Il fait quoi? Et si un général ne comprend pas que la noblesse militaire consiste à défendre son territoire, à être la colonne vertébrale de la souveraineté, parce que c'est l'armée qui est la colonne vertébrale de la souveraineté, quand une armée se dissout dans un internationalisme militaire qui a pour fonction absolue de défendre les intérêts autres que ceux de Niger, défendre les intérêts stratégiques américains, européens, un Français, et de venir se vanter à Mondovision comme si c'était un projet militaire de grande envergure, dis donc, il faut l'appeler quoi son nom? Général de Pacotti. Vous l'avez dit. Voilà, c'est ce qu'il est. Et apporter le soutien total d'accord. au Mali et au Burkina Faso, qui sont dans des processus, n'est-ce pas, historiques de capacitation militaire de leur pays de nature, à ce que cette capacitation garantit la souveraineté de l'État et la capacité de l'État à négocier à égal avec les partenaires étrangers. Mais ça ne sonne pas comme un complot des mondialistes de la France de vouloir attaquer le Burkina Faso et le Mali. Mais c'est d'ailleurs pas au Mali, au Burkina Faso, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Mmh. Et on explique à ce général, lui, disons, de Saint-Cyr, qui dans son français très approximatif, expliquait justement que le réveil au-delà sera extrêmement douloureux. Nous mettons en garde le Niger et ce monsieur, qu'il portera la responsabilité, lui d'abord, ce Tarka, lui appelons le général, d'une attaque de l'insécurité dans le pays. Parce qu'il s'agit d'abord des problèmes endogènes du Burkina Faso et du Mali. Afrique Média, le monde, c'est nous.